Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Diplomate au bord de la crise de nerfs, une série de Franck Cuvelier réalisée par Véronique Samouilov. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'avec l'ENA qui ferme la diplomatie à un coup dans l'aile et contre Greta Thunberg et Angelina Jolie, et après qu'un homme ait été assassiné et débité en morceaux dans une ambassade, on se demande bien quelle place ça laisse aux ambassadrices et aux femmes d'ambassadeurs. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des archives, des menus, une ambassadrice de choc et une femme qui doit maîtriser les arts de la table et le chic parisien. Mais pour commencer, troisième épisode, on fait les présentations. Madame Tikhanovskaya, bienvenue au Palais de l'Élysée. Je suis très heureuse de vous recevoir. Comme vous le savez sans doute, le président de la République est en déplacement à l'étranger aujourd'hui. Et bien évidemment, je lui rendrai compte en détail de notre entretien aujourd'hui. Et je voulais, en guise d'introduction, vous dire que cette rencontre est aussi l'occasion pour nous d'affirmer, de réaffirmer le soutien de la France aux aspirations démocratiques du peuple biélorusse. Так что, может быть, я спрошу госпожа Тихановская, было бы очень интересно, если вы могли бы мне... Madame l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice. Un documentaire de Franck Cuvelier réalisé par Véronique Samouilov. Да, ситуация на самом деле сложная в стране, потому что репрессии со стороны режима нет. Trois femmes ambassadrices de France en 1980 pour 175 ambassades. 16 femmes en 2003, 51 aujourd'hui. Fallait-il sacrifier à la question cliché et les femmes dans la diplomatie, puisque les chiffres tendent vers la parité? Mais les chiffres, c'est connu, sont parfois trompeurs. Ainsi, en 1982, Mademoiselle Françoise Claude Lafontaine, après une brillante carrière au Quai d'Orsay, est nommée ambassadrice de France dans pas moins de 8 États. Antigua et Barbuda, la Barbade, la Dominique, la Grenade, Guyana, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Trinité et Tobago. Peut-être était-elle fan de plongée sous-marine. Alors tant pis, soyons clichés et écoutons celles qui peuvent nous répondre à la question qu'on voudrait ne plus se poser. Et les femmes en diplomatie ? Madame Isabelle Dumont, est-ce que vous pouvez nous résumer votre carrière de diplomate qui vous amène jusqu'aujourd'hui ici à la cellule de l'Élysée? Et puis peut-être commencer par ce que vous êtes aujourd'hui et puis faire un espèce de grand flashback sur votre carrière de diplomate avec les temps forts. Allez, un résumé d'Isabelle Dumont. Ça n'est pas très facile de résumer une carrière de presque 20 ans en quelques minutes, mais je vais m'efforcer. Je suis aujourd'hui à la cellule diplomatique de l'Élysée, conseillère du président de la République sur les Balkans occidentaux et la CEI, c'est-à-dire l'ex-Union soviétique et la Turquie. Alors, si vous voulez, les temps forts de cette carrière, ça, y en a énormément. D'abord, la guerre en Ukraine, à l'automne 2013, puis l'invasion de la Crimée par la Russie, puis le Donbass. Pour un diplomate, au fond, il n'y a rien de plus important qu'une guerre. Et un moment particulièrement fort dans ce cadre-là a été en février 2015. Je reçois un jour, c'était un mercredi matin, je reçois un appel qui me demande si j'ai le temps d'aller chez moi pour faire une petite valise. On me dit à peine où je dois partir. On me demande de bien vouloir rédiger un projet d'accord de paix. Je ne dois le dire à personne. Et j'ai tout juste le temps de rédiger un projet. Je vais chez moi et moins de 2 heures après, j'étais dans l'avion pour partir à Kiev. Et ça a été le début de la négociation qui a abouti au fameux accord de Minsk pour essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et en réalité, ça a été une semaine de négociations, Kiev, puis Moscou, puis Berlin, puis Minsk, pour finir sur cette fameuse négociation de 19 heures, non-stop, nuit blanche évidemment. Et puis, peu après ça, un autre moment très fort, ça a été le moment où j'ai reçu un appel de quelqu'un qui compte beaucoup au Quai d'Orsay, qui me téléphone pour me demander si j'accepterais d'être ambassadrice, d'être nommée ambassadrice en Ukraine. J'avais 39 ans, ça ne s'était évidemment jamais fait. On n'avait jamais vu une femme nommée ambassadrice aussi jeune, et en plus dans un pays quand même important en guerre. Et là, je ne vous cache pas que je me suis enfermée dans mon bureau et je ne savais ni quoi dire ni quoi penser, toute tremblante et n'osant pas faire face à cette mission qu'on me proposait. Et puis ensuite l'Ukraine, puisque vous comprenez que j'ai fini par dire oui, et où j'ai passé 4 ans. Et là, évidemment, énormément de moments forts. Bien sûr, à chaque fois que je suis allée dans le Donbass, avec souvent en y allant en hélicoptère, des hélicoptères de l'armée, avec gilet pare-balles, casque, etc. Des échanges avec les populations extrêmement forts, des gens qui vivent dans un dénuement, dans un stress terrible, qui ont perdu des fils, qui ont avec une souffrance incroyable, mais ce sont des choses extrêmement fortes que nous vivons. Ça fait beaucoup de moments forts, ça suffit peut-être. On vient vous interroger aujourd'hui parce que vous êtes une femme diplomate. Ça reste une question entière, c'est pas si évident de voir des femmes en diplomatie ou de se poser la question si la diplomatie est faite différemment par les femmes ou pas, ou si la carrière leur est ouverte. Alors je sais que ça vous irrite quelquefois, et c'est pas la première fois. Écoutez, moi, ce qui me met effectivement en colère, c'est que encore aujourd'hui, en 2021, on doive se poser la question spécifiquement d'être une femme diplomate ou pas. Moi, je préférerais que vous m'interrogiez sur le fait d'être diplomate. Ce qui me met en colère, c'est quand vous m'interrogez sur les points forts de ma carrière. Au bout de 3 points forts, vous me coupez en disant, au fond, bon, merci, mais ça suffit. Et la guerre en Ukraine et mon poste d'ambassadrice en Ukraine, ça n'intéresse pas. La seule chose qui vous intéresse, c'est de parler du fait que je suis une femme. Moi, ça m'intéresse moins. Moi, je préférerais vous parler de mon expérience d'ambassadrice en Ukraine, à l'évidence. Et oui, ça me met en colère de devoir vous répondre sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Je préférerais vous parler de ce que c'est qu'être diplomate. Vous voyez ? Donc oui, c'est un problème. Mais vous avez raison en même temps, et je vous suis reconnaissante, parce que, comme je vous l'ai dit sans embâge, le combat n'est pas encore fini. Et donc tant que la question se posera, il faudra malheureusement aborder le sujet. Mais je souhaite voir le jour où ça ne sera plus un sujet. Pourquoi si peu de femmes en diplomatie ? Bon, la question est quand même beaucoup moins fondée aujourd'hui, parce que Laurence Badel. Un rattrapage important s'est effectué, mais c'est vrai que l'entrée des femmes en diplomatie est une entrée qui remonte au siècle dernier. Très longtemps, le métier d'ambassadeur a été un métier d'homme blanc. Et ça s'explique parce que dans la mesure où l'ambassadeur était le miroir du prince, et dans la mesure où le prince était très majoritairement un homme, il y avait cette capacité d'identification et puis ensuite de projection. Mais en ce qui concerne l'exercice du métier, proprement dit, les choses commencent véritablement à bouger au moment de la Première Guerre mondiale. D'abord parce qu'on sort d'une période de grands troubles, où tout a été rebrassé, hein, le rapport entre le public et le privé, le rapport entre les sexes, puisque les femmes ont remplacé les hommes aux usines et aux champs, donc ont commencé à travailler. Donc de même que les ouvriers, les paysans veulent voir reconnu leur effort, les femmes veulent aussi voir reconnu leur effort au service des sociétés en guerre. Pour moi, le vrai marqueur, c'est le moment de l'ouverture du concours aux femmes dans chacun des États. Et là, c'est très variable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il semble aujourd'hui que l'un des tout premiers États à avoir ouvert son concours, ce soit le Brésil, en 1918. Il ouvre le concours diplomatique à une jeune femme. En France, le concours diplomatique est ouvert en 1929. Et la toute première femme, Suzanne Borel, rentre en 1930. Je n'avais jamais fait mystère que garçon. j'aurais choisi la carrière diplomatique. Maman, qui le savait mieux que personne, m'envoya un beau jour une coupure du temps qui annonçait qu'un décret permettant aux femmes de se présenter au concours pour l'admission dans les carrières diplomatiques et consulaires venait d'être pris. Il ne faut pas croire que ce décret fut le fait d'un ministre libéral et généreux, désireux de frayer une voie nouvelle aux ambitions féminines. Non, comme il arrive souvent en France, cette mesure administrative n'était qu'une manifestation de favoritisme. Monsieur Louis Marin avait une pupille, Mademoiselle Camuset, qui souhaitait entrer dans la diplomatie. Mademoiselle Camuset eut donc son décret. Mais le Quai d'Orsay fit savoir au ministre, par la voix d'un juriste astucieux, qu'en aucun cas une femme ne pourrait remplir des fonctions de consul, ce rôle ne pouvant en l'état actuel de la loi qu'être confié à un mâle. La porte que Louis Marin avait cru ouvrir ne fut donc qu'entrebâillée. Je résolus cependant de m'y faufiler. Suzanne Borel, diplomate. Alors, le corps des femmes est un premier argument invoqué pour refuser leur exercice dans les pays lointains, pour refuser leur nomination comme ambassadrice. Leur faiblesse physique, leur débilité physique, c'est-à-dire leur incapacité en particulier à supporter les climats chauds. Et donc, ces jeunes femmes se voient refuser pendant longtemps des nominations d'ambassadrices parce qu'on estime qu'elles ne pourront physiquement pas supporter des pays où on va attraper des maladies tropicales. Ce qui est vraiment une vue de l'esprit parce que les archives diplomatiques du 19e siècle regorgent de dossiers du personnel où l'on voit les consuls hommes attraper toutes les maladies tropicales de la planète, souffrir de dysenterie, vivre des dépressions nerveuses, obtenir leur rapatriement dans leur métropole. Donc, en termes d'inégalité physique par rapport au climat ou aux maladies tropicales, les hommes et les femmes souffrent et souffraient autant. Ce qui va expliquer que même lorsqu'une jeune femme comme Suzanne Borel réussit le concours, la direction du personnel va tout de suite lui faire signer un document où on lui impose de reconnaître qu'elle n'exercera jamais à l'étranger. À l'automne 1928, je demandais à un ami de s'enquérir de la date du prochain concours des affaires étrangères. Ce naïf eut l'imprudence de dévoiler que le renseignement demandé était destiné à une femme. On lui répondit aussi sec qu'il n'y aurait pas de concours avant longtemps. Et en tout cas, pas en 1929. Le 31 janvier 1929, j'allais, en me promenant, acheter au début de l'après-midi le journal. Et en l'ouvrant, j'eus un coup au cœur. Le concours qui ne devait pas avoir lieu en 1929 s'ouvrait au mois de juin et les délais d'inscription expiraient le jour même. J'ai heureusement des réflexes rapides. Je bondis chez moi et me précipitai au Quai d'Orsay. Je fus reçue par un huissier complètement abruti qui me dit rudement que les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire, au prétexte qu'on n'avait pas fait son service militaire. Suzanne Borel. Jacques Bayens écrit dans ses souvenirs... Isabelle Dasque. Je le cite, que certes, certaines qualités féminines sont bénéfiques à la profession, donc ils vantent alors là leur intuition, leur astuce, leur rapide analyse d'une situation, le sens de la controverse, mais en revanche, ils notent, côté des femmes, le manque de contrôle sur ses nerfs, la moindre résistance à la fatigue morale ou physique, l'influence du milieu ou du climat, qui seraient donc, d'après lui, des handicaps sérieux pour une femme diplomate. Et puis, il explique aussi que contrairement aux collègues masculins, eh bien, une femme ne peut pas être envoyée n'importe où ou sous n'importe quelle latitude et que dans certaines circonstances, il n'est pas souhaitable d'envoyer des femmes, que ce soit dans des pays arabes ou des pays aussi au service du bloc de l'Est, où là, on redoutait quelques méthodes qui auraient pu être fatales à ces femmes si elles avaient eu des postes de responsabilité, notamment une pression occulte, une surveillance constante qui aurait émané des autorités locales. Il n'y a pas vraiment de frein à la carrière diplomatique d'une femme. C'est-à-dire que la preuve, c'est que moi, je mène... Isabelle Dumont. J'ai ma carrière diplomatique sans difficulté. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai été en poste à l'étranger, etc. Simplement, il y a eu, disons, des limitations aux possibilités pour les femmes d'exercer telle ou telle fonction. C'est-à-dire que, enfin, pour vous donner un exemple, moi, en début de carrière, lors d'un entretien tout à fait officiel avec les ressources humaines, alors que je disais que j'étais intéressée d'aller en poste à New York, on m'a répondu qu'une telle perspective était proscrite parce que j'étais une femme en âge de procréer. Donc c'est un frein, à l'évidence. Ce qui est certain, c'est que... c'est une forme de plaisanterie, mais une plaisanterie un peu amère. Les femmes, nous avons souvent le sentiment que vous êtes longtemps, très longtemps trop jeune. Moi, combien de fois on m'a dit que j'étais trop jeune pour tel poste, et finalement la personne nommée sur ce poste était un homme plus jeune que moi. Combien de fois? Ou du même âge. Et donc ça c'est une réalité. Les femmes sont trop jeunes structurellement pendant longtemps. Et puis moi, je vais peut-être bientôt arriver à l'âge où du jour au lendemain, elles deviennent trop vieilles. Quand j'envisageais avec un directeur important du ministère des Affaires étrangères de devenir 20 ans plus tard ambassadrice, il m'a répondu, enfin d'abord il n'a pas compris que je puisse avoir cette telle idée, et m'a répondu « Ah oui, c'est vrai, il faut des femmes maintenant. » Vous voyez ? Ce qu'il faut ajouter, c'est que parmi les arguments invoqués de manière implicite ou explicite, Laurence Babel, il y a toute une série de qualités ou de défauts qui sont imputés aux femmes, comme leur goût pour le bavardage et leur incapacité à tenir un secret, les spécificités de leur système nerveux, parfois caractériel, qui pourrait les conduire au moment des négociations à perdre leurs nerfs. Et puis surtout, la femme en diplomatie a pu être... assimilé à un être naïf qui n'aurait œuvré que pour des fonctions de conciliation et de paix. Et d'ailleurs, les premières fonctions, les premiers portefeuilles qui vont leur être confiés, ça va être justement ce type de fonctions plutôt culturelles ou sociales, voire humanitaires. Et ces qualités peuvent parfois d'ailleurs être mobilisées à front renversé, puisque la femme peut être assimilée à un individu rusé dont la qualité pourrait être mise au service de la collecte de l'information. Et ce qui peut expliquer aussi que certaines aient été mobilisées dans le cadre d'activités d'espionnage. Donc on a toute une série de stéréotypes et de qualités prétendument naturelles qui sont accolées aux femmes pour refuser leur entrée en diplomatie. À peine dévoilais-je mes desseins qu'on s'esclaffait sur mes prétentions ou qu'on me prenait en pitié. J'avais des ambitions insensées, je courais à un échec certain, je ne ferais que perdre mon temps. Je n'oublierai certainement jamais mon entrée dans le bureau de M. de Vitrolles, président du jury. Je n'en avais pas franchi le seuil que j'entendis une voix sarcastique s'élever. « Alors, c'est vous, mademoiselle, qui avez la prétention d'être la première femme diplomate de France ?» Les épreuves écrites avait lieu dans l'hôtel du ministre qui devait 17 ans après devenir ma demeure. J'ai connu dans ma vie peu de moments plus désagréables que celui où je gravis le perron qui me fut si familier plus tard, sous le regard curieux et généralement dénué de bienveillance de 40 garçons pour la plupart inconnus. Je fus recalé à l'écrit, je le prévoyais. Au cours de l'hiver, j'allais me réinscrire au concours. Je trouvais devant moi le visage pincé de M. Dorel de Paladine, qui m'accueillit par ses mots ironiques. « Alors, vous vous entêtez ?»« Non, monsieur, » répondis-je. « Je persévère. Et la cérémonie des épreuves recommença. En fin de compte, je fus reçue. Suzanne Borel, diplomate. Effectivement, à côté de l'épouse... Isabelle Dasque. L'épouse du diplomate, il n'y a pas de femme dans la diplomatie européenne. Avant 1930, la première qui pousse la porte entrebâillée, comme elle l'écrit, c'est le titre de ses mémoires, c'est Suzanne Borel, qui rentre au Quai d'Orsay en 1930. Mais elle n'est affectée qu'à l'administration centrale. Et sitôt la porte entrebâillée en 1930, elle passe à ce moment-là le concours, eh bien la porte se referme. Les femmes ne sont plus autorisées à passer le concours. Donc elle est un petit peu une des seules à avoir pénétré le Quai d'Orsay en tant qu'agent diplomatique. Mais les postes à l'étranger lui sont refusés et leur carrière est bien sûr très ralentie. Il faut attendre 1972 pour que la première femme ambassadeur soit nommée. Il s'agit de Michèle Campana et qui est nommée, je crois, en Amérique latine ou en Amérique centrale. Voilà, alors bien sûr, il y a une féminisation qui va se faire jour, qui va être largement encouragée par une politique volontariste menée par le Quai d'Orsay. Et cette politique a quand même porté ses fruits ces 10 dernières années. Si vous prenez en 2006, il n'y avait que 16 femmes de diplomates, enfin de femmes chefs de poste, alors que maintenant vous avez une cinquantaine de femmes chefs de poste sur 177 postes, donc pratiquement 30%. Écoutez, moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans ce... Isabelle Dumont. Que je fais ce métier. Je peux évidemment pas prétendre avoir une vision scientifique des choses, hein, mais de mon expérience, pour avoir participé à d'innombrables réunions avec que des hommes, sauf moi, pour avoir été la seule femme à des réunions de 20-30 personnes, énormément de fois, et pour avoir été à quelques réunions plus paritaires, disons, avec peut-être pas 50-50, mais 3-4 femmes sur 10 personnes, par exemple, l'ambiance n'est à l'évidence pas la même. L'ambiance n'est pas la même, c'est-à-dire que lorsque vous avez davantage de femmes à une réunion, vous avez, enfin en tout cas dans mon constat, plus d'écoute, moins de considérations à l'emporte-pièce qui peuvent être faites. Et je ne dis pas que les hommes ne font que des considérations à l'emporte-pièce. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que quand il y a des femmes qui apportent peut-être davantage d'écoute et de compréhension mutuelle et de recherche de solutions, les hommes eux-mêmes sont amenés naturellement, encore une fois, c'est dans mon constat, sont amenés naturellement à porter au sein de ces réunions des positions plus utiles, au fond, plus constructives et plus utiles. Il y a une association de femmes diplomates qui a été créée à la fin des années 2000 au sein du ministère des Affaires étrangères, qui avait, au fond, pour vocation, évidemment, de traiter les difficultés liées aux femmes, de nomination, d'horaires de travail, de capacité à partir à l'étranger, etc. Mais on a constaté que, au fond, les causes portées par cette association ont très vite bénéficié aux hommes aussi. Je vous donne un exemple. Il y a une charte du temps qui a été élaborée et adoptée par le Quai d'Orsay. Pour vous donner un exemple, on n'est pas censé organiser de réunion après 17 heures. À l'évidence, c'est une proposition qui a été portée pour les femmes, puisque c'est malgré tout dans notre société, plus les femmes qui ont besoin d'aller récupérer les enfants, etc. Évidemment, ça bénéficie aussi aux hommes. Évidemment. Et donc cette association, elle est intéressante parce que elle a porté au départ des demandes pour les femmes, mais elle bénéficie à l'ensemble du système. Ce que je crois vraiment, vraiment profondément, c'est que ce qui importe surtout, c'est que les hommes et les femmes travaillent ensemble. C'est-à-dire que laisser des hommes seuls aux manettes gérer la diplomatie, ça n'est pas une bonne chose. Laisser des femmes seules aux manettes gérer la diplomatie ne serait pas non plus une bonne chose. Nous avons plus de valeur quand nous travaillons avec ces nuances qu'apportent des personnalités différentes. J'ai eu l'immense honneur de jouer avec Gauthier Capuçon, un duo de violoncelle. Moi-même, je joue du violoncelle et j'ai beaucoup joué dans des orchestres, mais c'était la première et sans doute la seule fois de ma vie que je jouais en tant que soliste. Et avec cette force de l'orchestre derrière moi, je n'avais jamais vécu ça. Voilà, ce sont des moments qu'on vit aussi, où on représente la France aussi, puisque c'était... Où se passait ce concert ? C'était à Kiev, en Ukraine, toujours, avec l'orchestre philharmonique. Et donc j'ai eu cette occasion. À table, l'ambassadrice doit avoir peu de conversation, en pesant chaque mot. Car si elle exprime un jugement, on peut en déduire que c'est le point de vue de l'ambassadeur sur ce qu'il ne veut ou ne peut pas dire. J'eus besoin de me défouler par l'écriture pour me libérer de ce vécu sur un passé douloureux. Car consciente du rôle qu'on attendait de l'épouse de l'ambassadeur, je m'assignais le rôle classique, écouter avec sourire et bienveillance, et me taire. Je contrôlais mes pensées et mes propos afin de satisfaire mes hôtes. Je m'imposais des rôles à jouer afin de satisfaire le public et honorer la France. André Dor Audibert, propos irrévérencieux d'une épouse d'ambassadeur. Alors, absence de présence féminine pendant longtemps, je vous corrige un tout petit peu, puisque les femmes ne sont pas complètement absentes des questions internationales. Si l'on revient à l'époque moderne, d'abord beaucoup de souveraines, Isabelle sont des femmes, et ont eu un rôle important dans la diplomatie de leur royaume. Ou de leur état. Et puis, il y a une figure qui est importante, c'est l'épouse du diplomate, et celle-ci n'est pas complètement dénuée d'influence et de rôle. Alors, il faut bien sûr penser aux propos de Napoléon, qui disait qu'une femme est une pièce plus importante qu'on ne croit dans une ambassade. Et effectivement, ces femmes, ces épouses, ont joué un rôle important. D'ailleurs, on leur reconnaît un statut, on leur reconnaît un rôle. Il faut penser par exemple à ce traité de 1754 de Johann Jakob Moser, qui est consacré à l'ambassadrice et ses droits. Et justement, dans ce texte, il y a tout un chapitre qui est intitulé « De la conduite de l'ambassadrice à l'égard des affaires ». Donc bien pour vous montrer que l'on a conscience que l'ambassadrice joue un rôle. Et dans ce texte, il écrit, je le cite, « Je ne vois pas pourquoi un ambassadeur, en de certains cas, ne pourrait pas s'ouvrir à son épouse qui, à la faveur d'un esprit de finesse et de pénétration, qui est particulièrement propre au beau sexe, peut être en état de lui donner un avis qu'il ne trouve pas chez soi. » Donc, ces femmes ont un rôle à jouer. On leur prête d'ailleurs quelques talents à la menée des négociations. Et on leur reconnaît un certain don, par exemple, de persuasion, de pénétration, une certaine finesse, un certain tact. On leur prête aussi un don pour la conversation. Donc, des qualités qui sont d'ailleurs recommandées par les manuels destinées aux jeunes filles de la bonne société. On pense aussi qu'elles sont particulièrement bien placées pour recueillir des confidences, pour épier des réactions, pour apporter aussi une information précieuse. Et elles sont souvent des sources et des relais d'informations tout à fait importants, reconnus. Par exemple, Jules Cambon, dans le Diplomate, c'est un texte qui date de 1926, il écrit, je le cite, « L'ambassadeur ne se contentera pas de s'entretenir avec les ministres et les hommes politiques. Souvent, des conversations en apparence frivoles lui en apprendront beaucoup plus que des discussions d'affaires. La sympathie même des femmes distinguées qu'il rencontrera dans le monde lui sera précieuse. » Vous connaissez tout le monde, je crois. Vous connaissez monsieur Petz, monsieur. Côté réception n'est pas celui qui me plaît le plus, mais j'y attache quand même beaucoup d'importance. D'autre part, je pense que la représentation est quand même un élément essentiel du métier de l'ambassadeur. Dans représentation, il y a présentation. Il faut donner, dans le pays où l'on est, une image digne du pays que l'on représente. Est-ce que c'est le fait du seul ambassadeur ou est-ce que son épouse a une influence? Je crois que l'épouse a une influence essentielle et je crois que dans ce métier, comme dans aucun autre, la femme est capitale. En fait, c'est le couple qui représente la France. Et c'est d'ailleurs assez dur pour l'épouse, car au fond, l'épouse, sans être rémunérée, fait un travail au moins aussi important que celui de l'époux. J'ai toujours laissé la liberté à mes interlocuteurs de choisir la terminologie qu'ils souhaitaient utiliser. En général, on m'appelait par le nom de femme mariée à l'intérieur de l'ambassade. Et puis, oui, parfois, à l'extérieur, on m'appelait Madame l'ambassadrice. Yaël Blick. Quelque part, officieusement, en tant que conjointe, j'étais investie, finalement, de la projection d'une certaine image de la France. Alors, c'était à moi de la définir, j'avais toute la liberté, mais j'étais pas là en visite privée, à chaque fois que je partais en poste. Donc, quelque part, je me conditionnais un peu psychologiquement à cette vie un peu particulière, sélective, qui offre la possibilité de découvrir beaucoup de choses dans des environnements très particuliers, mais en même temps dans un cadre bien précis, avec des règles à respecter, qui finalement sont intégrées relativement naturellement. Et les menus, tout ça, c'est vous qui les décidez au cours d'un voyage présidentiel? J'envoie 3 menus à l'Élysée. Enfin, 3 projets de menus, l'Élysée me renvoie celui qu'il a choisi, et à ce moment-là, c'est exécuté ici par mon cuisinier. Pourquoi vous n'êtes pas sûr du goût de M. Pompidou pour votre cuisine? C'est la règle. J'ai été en poste. La première chose, les postes que j'ai exercés n'étaient pas mes premières expatriations, puisque moi-même, j'ai travaillé avant de devenir conjoint d'ambassadeur. J'ai travaillé aux Nations Unies en Suisse, et puis d'ailleurs c'est là où j'ai rencontré mon conjoint, et nous avons été en poste ensemble à New York. J'ai été ensuite en Turquie, à Ankara, et puis après nous sommes partis en Russie pendant 4 ans, et là vraiment en bilatéral, et puis nous avons fini en Chine pendant 2 ans. Quand on fait ce métier de conjoint, parce que quelque part c'est un travail, même si c'est un beau lapsus finalement. Ouais, tout à fait. Même s'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas forcément de reconnaissance. Mais je crois avant tout que c'est la découverte, c'est la chance et le désir de vouloir aller à la rencontre de l'autre. D'autres cultures, en même temps de vouloir partager ce qu'est son propre pays ou ce qu'il représente. Donc c'est avant tout, je pense, beaucoup de flexibilité, de tolérance, de rapport à l'autre. En revanche, j'ai souvent été obligée de faire avec l'image ou les attentes que les autres avaient. Et je dois dire que les attentes, souvent, c'était plutôt la communauté française, qui avait souvent de hautes exigences et attentes de par le couple ambassadorial. Et c'est aussi normal, parce que finalement, on était à chaque fois comme un petit village de Gaulois, on pourrait dire, à l'étranger. Des autres collègues ambassadrices de pays Finalement, c'était essentiellement l'image de la France dans cette partie culturelle très particulière qui est en général liée à ce prestige, le luxe, le savoir-faire, l'art de vivre, toute cette culture, voire identité, en fait, qui est très présente à l'étranger, qu'on ne mesure pas toujours en France, mais qui continue à signer un peu ce qu'est la France dans un grand nombre de pays. Donc, alors, on vous demandait d'endosser ce rôle d'ambassadeur de la France. On ne me demandait jamais rien, c'était toute la subtilité de la chose, mais en même temps, tout le monde s'attendait à ce que. À ce que je sois bien habillée, à ce que je sois très agréable, à ce que je m'occupe des visiteurs, c'est-à-dire dans les délégations, quand il y avait des conjoints de ministres, de présidents, de premiers ministres, ben mon rôle officieux, c'était de m'en occuper, c'est-à-dire de leur parler un peu du pays, de leur faire rencontrer des gens, de participer à toutes ces visites. C'est aussi de prendre soin des Français dans le rapport quotidien, donc dans le lien, tout simplement, puisque parfois, quand on est à l'étranger, en particulier dans des postes dit pas facile, voire difficile, comme la Russie ou la Chine, il y a un grand besoin de lien avec le pays natal. Et du coup, le fait d'être conjoint, donc de ne pas avoir de fonction officielle en tant que telle, permettait finalement de mettre un peu d'humain dans la relation. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc ces ambassadrices, elles sont... Elles ont un statut, elles bénéficient exactement des mêmes privilèges que leurs époux et elles occupent le même rang que celui-ci, le même rang dans l'ordre des préséances, ordre des préséances qui a été reformulé lors du congrès de Vienne. Et elles bénéficient aussi des mêmes immunités diplomatiques, des mêmes protections qui ont été garanties notamment par les conventions de Vienne de 1961. Mais elles sont soumises aussi aux mêmes règles de déontologie, aux mêmes règles de comportement que leurs époux. Et elles doivent avoir les mêmes qualités de discrétion, de retenue, de sang-froid, de tact. Elles n'ont pas le droit, par exemple, de s'immiscer dans la vie d'un pays, ce qu'elles n'ont pas toujours très très bien vécu. Et certaines d'entre elles, eh bien, aimeraient s'émanciper de ces contraintes. Je peux vous citer une citation qui est empruntée au journal d'Hélène Opneau. Alors, Hélène Opneau a épousé un jeune diplomate pendant la Première Guerre mondiale. Elle était musicienne. Elle s'apprêtait plutôt à mener une carrière d'artiste. Elle est née en 1894 et elle est son mari est jeune secrétaire en Allemagne dans les années 20. Et elle n'est pas du tout convaincue par le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Dans son journal en juillet 1927, elle raconte qu'elle est contente de quitter Berlin. Étant forcée de me taire, il m'arrive de m'étrangler de fureur. Étant forcée de me taire, il m'arrive de m'étrangler de fureur rentrée devant les concessions et la forme de politique pratiquée par les politiciens des Alliés et par l'ambassade à l'égard d'un pays que je ne cesserai pas de considérer comme l'ennemi mortel de la France. Hélène Opneau, journal, 1918-1933. Voilà, donc souvent ces épouses n'adhèrent pas toujours aux normes de comportement qui lui sont imposées. Je suis placée à gauche du ministre de Belgique et je m'ennuie ferme. Il souffle à travers des lèvres closes des mots qui, projetés, semblent emplir la pièce de vibrations désagréables. Et comme un prédicateur en chair, allonge ses sermons par des répétitions. Ses phrases s'étirent, reviennent sur elles-mêmes, pour repartir dans la même direction. On a envie de fuir. Tout ça n'est pas sans embûche. Il y a beaucoup de conjoints qui ne partent plus en poste parce qu'ils souhaitent poursuivre leur carrière. Et en fait, quand on part en poste dans la plupart des pays hors Union européenne, eh bien, on ne peut pas travailler. Donc soit ben, on sacrifie sa carrière et puis on vit pour le couple ambassadorial, ce qui peut générer des frustrations puisqu'il n'y a pas de reconnaissance en tant que telle. Soit on décide de ne pas partir et de poursuivre sa carrière, mais du coup, forcément, il y a en général des conséquences sur le couple à long terme. Donc dans tous les cas, la position du conjoint, elle est assez particulière et parfois l'équilibre est difficile à tenir. Pour ma part, j'étais professionnelle avant de rentrer sur ce chemin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai à la fois consacré du temps à la résidence, à l'ambassade, à l'action de la France, à la promotion de mon pays. Et en même temps, je me suis consacré du temps pour me reconvertir et pouvoir par la suite exercer mon métier le jour où je reviendrai en France, ce que j'ai fait. Et ça m'a apporté un grand équilibre puisque j'étais à la fois très heureuse d'avoir un rôle, une fonction sociale. En même temps, j'avais mon univers personnel et donc ça m'a beaucoup aidée. Partir en expatriation, ça n'est pas simple. Partir comme chef de poste, seul ou accompagné, ça n'est pas facile. Et il faut être très solide. Parce que, effectivement, c'est aussi, d'une certaine manière, une forme de solitude ou d'isolement. Et en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de projections dans la conjointe, parce que c'est la personne qui est la plus proche du chef de poste. Donc, il y a une capacité d'influencer le chef de poste. Donc, en général, on me traitait toujours extrêmement bien. Et en même temps, les gens avaient très envie, oui, d'être très amis avec moi. Parce que ça pouvait toujours leur être utile. Et ça fait partie du jeu. Donc ça veut dire, en fait, qu'il y a une sorte de fonction qui fait que vous êtes à la fois authentique et en même temps, vous vous protégez. Puisque vous savez que les relations ne sont pas totalement neutres. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. Comment ça se passe lorsque M. Pompidou vient? Parce qu'il vient régulièrement ici. Il vient tous les ans. Une fois par an? Une fois par an, oui. Alors comment ça se passe? Alors ça, c'est le grand cirque avant son arrivée, parce que toute la maison est sans dessus-dessous. Ici, c'est la chambre de M. Pompidou. Et quand il vient, il y a des tas de ministres dans toute la maison. Nous, on doit donner notre chambre. Et alors le ministre doit coucher au milieu des poupées et des décors comme Annie. En fait, c'est pas très drôle, on doit coucher dans les garages. La dernière fois, on a couché chez notre grand-mère. Et il y a des gens partout. Et ma sœur, quand elle est descendue en bas pour chercher un Schweppes ou un Coca-Cola, elle a trouvé le sang du président de la République. Ça lui plaisait pas beaucoup. Quoi, un grand flacon avec du sang pour préparer pour oui, le président de la République? Parce qu'il y a le médecin, il y a son médecin, il y a ses gardes du corps, il y a tout. Et il y a des motards, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, plus la police allemande qui vient. Tu l'as vu, Monsieur Pompidou? Oui. Il t'a parlé? Non, il ne nous a pas parlé, mais on regardait à travers la fenêtre, il nous a fait un signe. Alors, ces épouses, elles partagent vraiment le métier de leurs époux diplomates. Ce métier s'exerce à deux, avec une répartition assez classique, avec l'idée que les femmes relèvent de la sphère privée et les hommes d'une sphère publique. Mais le pouvoir social de ces épouses est véritablement mis au service des intérêts nationaux à l'étranger. Et ces femmes, donc, elles ont un rôle de représentation à côté de leurs époux. Elles doivent s'illustrer par l'art de la conversation, elles doivent participer au rayonnement de la nation à l'étranger, elles doivent savoir recevoir, elles doivent aussi avoir un goût raffiné qui se manifeste, par exemple, non seulement dans le choix de leur toilette, mais aussi dans la décoration et l'aménagement de leurs hôtels diplomatiques. Et ce rôle de représentation va peut-être s'accroître en France après 1950, puisque dans les grandes ambassades, elles vont se voir affecter tout un personnel, des intendantes, des secrétaires, qui vont tenir leur agenda, qui vont seconder leur rôle de maîtresse de maison. Il y a beaucoup de réceptions, j'ai beaucoup de travail dans cette maison qui est très grande. Mais enfin, ceci dit, ici, c'est mon domaine. J'ai des souvenirs de tous les pays, de chaque chose me rappelle un instant ou une personne. C'est aussi ici que je travaille, j'ai mes dossiers. Dossiers de quoi? Dossiers de mes réceptions, de ce qu'il y a à faire pour la maison. Elle est énorme, il y a 30 pièces, c'est une vieille maison, il y a toujours... quelque chose qui ne va pas quelque part. Et je passe beaucoup de ma vie au téléphone aussi, figurez-vous. Vous régnez sur un personnel de combien de gens? Eh bien, voyons ici, une bonne dizaine. Deux à la cuisine, trois à l'office, deux femmes de chambre, deux chauffeurs et deux jardiniers. Plus Berlin? Plus Berlin, c'est-à-dire c'est une double ambassade. C'est assez rare, mais ici, c'est comme ça. paradoxalement, plus l'ambassade est petite, plus il faut faire de choses. Puisque quand vous êtes dans une petite ambassade, il n'y a pas toujours un intendant qui gère la résidence, qui gère l'organisation des réceptions, des cocktails, des dîners, des déjeuners de travail. Et du coup, souvent, on s'attend à ce que le conjoint de l'ambassadeur fasse ce travail-là. J'ai eu la chance d'être dans des grands postes, donc il y avait une vraie équipe de professionnels à la résidence, chef de cuisine, intendant, femme de chambre, maître d'hôtel, etc. Donc en fait, c'est s'assurer avec l'intendant et les chefs de cuisine que l'orchestre sera prêt pour les réceptions, pour les cocktails, pour les visites officielles. Et pour la France, c'est un domaine très important à mon sens, puisque la France est vue à l'étranger comme le grand pays de la gastronomie, le grand pays du savoir-vivre, du savoir-recevoir. Et donc ça passait par cette gestion du personnel, s'assurer qu'en fonction des enjeux, des interlocuteurs, des invités, qu'on allait pouvoir ouvrir le théâtre dans de bonnes conditions. Proposition de menu pour un déjeuner en l'honneur du nouveau directeur général de KLM Air France, Chine. Déjeuner à 12h30 pour 4 personnes. Donc ambassadeur invité plus un conseiller de chaque côté. Nous réfléchissons à proposer un menu permettant de découvrir la gastronomie française. Le choix proposé par le chef de cuisine, c'est une crème de lentilles au lard fumé Saint-Jacques rôti ou un foie gras poêlé aux poires pain d'épices maison. Puis en plat, des médaillons de bœuf grillé, beurre de truffe, pommes de terre confites ou un filet de turbo rôti, beurre de capre et polenta croustillante. En dessert, une tarte aux pommes sur une frangipane de praliné pécan, glace à la fève tonka ou un cake au citron. Frais, sorbet framboise. Sur le carton d'invitation, attendu vers 23h, pour la grande réception de Monsieur l'ambassadeur. Les invités sont présentés, des grands chercheurs, des directeurs, des érudits, des plasticiens, sans oublier les mannequins. Il y avait aussi tout le rapport à l'extérieur qui était décuplé l'activité. Donc en Russie, j'ai été dans beaucoup d'écoles qui apprenaient le français, voir les écoliers et leur parler de la France. J'allais aussi dans les lycées français pour prendre contact avec la communauté française. J'allais rencontrer les directeurs de musées, promouvoir les expositions françaises. On m'a demandé de faire des interviews, ça tournait, notamment en Russie et en Chine, ça tournait beaucoup autour de la mode. J'ai eu la chance de faire une chronique mensuelle dans le Marie-Claire Russie. J'ai beaucoup écrit sur l'identité culturelle française au sens comment en France on reçoit, les différentes fêtes de famille, comment on s'habille pour tel type d'événement, des choses comme ça. Donc tous ces détails en fait qui peuvent nous paraître anodins mais dont les lectrices et lecteurs étaient très friands, qui contribuent à diffuser une certaine image de notre pays. En Russie, j'ai beaucoup travaillé avec Business France, qui est donc l'organisme qui s'occupe de promouvoir les entreprises françaises à l'étranger. Ils ont beaucoup fait appel à moi et nous avons régulièrement promu tous les produits qui marchaient sur le marché russe, c'est-à-dire en l'occurrence le luxe, la cosmétique, le parfum, etc. Donc ça, j'ai beaucoup fait. J'ai fait des réceptions géo. Nous avons prêté la résidence pour que ces marques, ces petites marques, parfois de niche, puissent se déployer sur le marché russe, se faire connaître, etc. Et ça, c'était plutôt sympathique de le faire. Donc, œuvrer en parallèle, c'était comme un travail additionnel à l'activité de l'ambassade. Alors, ces épouses, effectivement, elles ne sont pas rémunérées. Et il me semble, en lisant leurs journaux, leurs mémoires, leurs souvenirs, que pendant un temps, elles n'ont pas considéré véritablement leur fonction comme un métier. Elles estiment que c'est naturel pour une épouse d'assurer ses fonctions sociales et mondaines, philanthropiques et même culturelles. Ça fait partie de ce rôle traditionnel dévolu à la femme. Mais de plus en plus, elles vont véritablement poser la question d'un métier en invoquant leur professionnalisme, en invoquant leur disponibilité. Et elles vont réclamer des compensations aussi aux sacrifices personnels qu'elles font, aux risques aussi qu'elles encourent, puisqu'elles sont aussi envoyées dans des pays qui sont guettés par des tas de dangers, des risques naturels, les problèmes sanitaires, les guerres, les conflits. Donc elles sont elles-mêmes en première ligne de tous ces risques. Et donc elles vont demander des compensations aux sacrifices personnels, elles vont demander l'obtention d'un statut qui leur accorde un salaire, qui leur accorde une retraite, qui leur accorde aussi des garanties en cas de veuvage, de divorce. Et elles vont aussi réclamer une formation spécifique. Alors, dans certains pays ont pris des dispositions en faveur de ces femmes, mais en France, eh bien, certains blocages n'ont pas pu leur permettre d'être reconnus comme exerçant véritablement un métier. Je ne sais pas si on peut parler de souffrance dans l'absence de reconnaissance des conjoints d'ambassadeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de pudeur. C'est un domaine finalement où cette distinction entre ce qui est officiel, semi-officiel, privé, fait que les conjoints ne s'épanchent pas trop sur la question. Mais je dois dire que c'est aussi une question qui traverse les frontières, puisque c'est une problématique qui existe dans l'ensemble des pays. Donc il est arrivé que les conjoints en parlent, mais en général on évite de trop s'attarder sur ça. C'est pas un métier facile, c'était pas un rôle facile, mais c'était une vie géniale. Et donc, il y a un problème de reconnaissance, parce que clairement, on n'avait rien. Mais c'est un choix, enfin, je veux dire, personne ne nous forçait à y aller, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Je pense que c'est quand même une vie extraordinaire. Et le retour n'est pas toujours facile, d'ailleurs. Donc, moi, je pense avoir été très chanceuse, même si je n'ai eu aucune reconnaissance. De personne. Mais je m'y attendais. Donc il n'y a pas eu de frustration. Mais je pense que pour beaucoup de conjoints, c'est très difficile. Parce que quand vous consacrez votre vie à ce métier et que finalement personne n'y prête attention et que vous donnez beaucoup à la République, en fait, en termes de temps, d'investissement, bah, parfois ça peut générer beaucoup de frustration. Et c'est dommage parce que je pense que, encore une fois, quand un ambassadeur fait son métier, homme ou femme, hein, fait son métier seul, il le fait très bien. Mais quand on le fait à deux, ça ajoute quelque chose en plus, une forme de... Ça projette en tout cas une image du pays qu'on représente différente. Et parfois, il est arrivé, dans mes rapports extérieurs, il y a du lien avec les autres conjoints d'ambassadeurs, bien sûr. Les ambassadrices européennes se réunissent une fois par mois à des déjeuners. Et le fait de créer du lien, voire des relations d'amitié, peut bien sûr aider aux relations des chefs de poste. Donc ça, c'est une sorte de soft power, on pourrait dire, de vrai pour un rapprochement. Alors que l'histoire doit rendre justice à ces épouses, oui, je le crois très volontiers, parce qu'elles ont consenti un certain nombre de sacrifices. Elles ont vécu à l'étranger, à une époque où les communications n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc elles ont vécu séparées de leur famille, de leurs enfants, très souvent. Elles sont contraintes parfois à des obligations qui les ennuient, et c'est souvent l'ennui qui transparaît dans beaucoup de correspondances, de conversations mondaines, très convenues. tout en ayant un rôle moins reconnu. Voilà, donc il me semble que l'histoire a raison qu'il faut effectivement rendre justice à ces femmes qui ont joué un rôle aussi, qui ont animé aussi toute une sociabilité, qui ont facilité les relations entre les diplomates et qui ont parfois aussi apaisé des climats de tension. Par exemple, au moment de la première crise marocaine en 1905, Madame Saint-René Thaïlandier raconte comment finalement elle avait maintenu des relations de proximité avec l'épouse du ministre d'Allemagne, dont elle a même tenu sur les fonts baptismaux le dernier né. Et donc elles ont quand même apaisé aussi, elles ont apporté un climat de détente, d'entente aussi. Et puis elles ont aussi facilité les contacts dans des sociétés où les liens avec la société autre qu'officielle étaient plus difficiles. Quand on quitte un poste, l'ambassadeur, il laisse sa photo, c'est-à-dire qu'il y a un couloir, parfois appelé le couloir des momies, dans chaque ambassade, où il y a une photo, une trace en fait du passage de chaque chef de poste. Et à l'initiative de mon mari, lorsque nous avons quitté la Russie au bout de 4 ans, ce qui était assez long comme période, comme mandat entre guillemets, il a décidé qu'il était temps de faire un peu bouger les choses et il m'a associée à la photo. Donc il y a une photo du couple en fait. Et il a refait la même chose en Chine. Je dirais que 50% des diplomates étaient très favorables, mais il y a eu quand même une petite résistance qui n'a pas été officiellement dite, mais on sentait une peur que finalement ça perturbe. Alors que je crois que c'était en tout cas une forme de reconnaissance de la part de mon mari, de marquer pour lui et le fait que j'avais beaucoup œuvré dans ces deux pays, et d'une certaine manière, il était temps de le faire. Alors j'espère que les futurs couples d'ambassadeurs qui passeront dans les différents postes continueront et en feront une tradition. Plateau d'argent, serveur gants blancs. Pas de caviar, pas de foie gras. Rien que des chocolats. L'ambassadeur a sa devise. Avec Isabelle Dumont. À une jeune femme qui voudrait devenir diplomate, moi je dirais qu'il faut vraiment y aller, c'est un très très beau métier. Laurence Badel. Si on prend le cas de la France, on voit que c'est assez récemment que les femmes françaises ont accédé à ce que l'on appelle dans le jargon diplomatique les grandes ambassades. Yael Blick. En fait, il y a, si vous voulez, tout le travail officiel, et puis après il y a tout ce qui se fait un peu dans les couloirs. Isabelle Dask. Elles ont su aussi, ces épouses, certaines d'entre elles, elles ont peut-être posé les jalons aussi d'une diplomatie féministe qui aurait été attentive au sort des femmes et sensible à des causes universelles. Assise au grand piano tout blanc et sur la bec en robe argent, nous jouons les grands airs de Gershwin. On danse autour de la piscine. Lecture Nathalie Canoui. Documentation Annelise Signoret. Prise de son Éric Audra. Nicolas Mathias. Mixage Claude Niort. L'ambiance est internationale. L'ambassadeur choisit l'endroit. Attaché d'émission Marie-Vonne Abelivier. Pour nous offrir ses chocolats. Coordination Perrine Kervran. Cette humble découpe en cristal. C'était Diplomate au bord de la crise de nerfs, Madame l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, un documentaire de Franck Cuvelier réalisé par Véronique Samouilov. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en préparant les menus de la semaine, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Demain, dernier épisode, France-Turquie ou la diplomatie, je t'aime, moi non plus. Mais en attendant, restez à l'écoute.